Poilu, de Sigolène Vinson et Yves Ramonet. Neuvième salve. Prisonnier de guerre. Nous allons avoir une belle journée d'abord. Oui, baron, oui, le plafond se lève. Je crois que vous allez pouvoir décoller. Eh bien, je l'espère, mon cher de bord, je l'espère. Ah. Dreyfus. Alors, ce nettoyage de la tranchée nord. Une formalité, comme toujours. C'est sale, mais c'est propre. Ah oui, une formalité? Et pourquoi alors nous avoir ramené un soldat allemand? J'ai gazé les derniers pour abréger leur souffrance. Ils n'ont pas résisté. Mais lui était là, à peindre des croûtes. Ça lui a rien fait, je sais pas pourquoi. Après, il a pas voulu me lâcher. J'ai pensé qu'il pourrait nous filer des renseignements. Non, mais les Alboches ont quand même une bien triste armée. Mais regardez-moi cet avorton. Petit, chétif, moustache risible. Oui. Il a décliné son identité, au moins? Non. Tous. Adolf, je suis le caporal Adolf Hitler. Estafette au 16e régiment d'infanterie de Bavière. Merde, il parle français en plus, ce con. Seigneur, bénissez ce repas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu bois un coup, l'allemand? Merci, je ne bois pas. Et je suis végétarien. Et je suis bien le caporal Adolf Hitler. Donc, c'est bien un Bosch. On le descend? Calmez-vous, Dreyfus. On ne peut pas. C'est un prisonnier de guerre. Mais pardon, il nous a dit lui-même qu'il ne savait pas comment il s'était retrouvé là. De la Bavière à Verdun. Ça fait un voyage, quand même. C'est peut-être un ancien du bagne, reconverti espion. Montre voir si t'as des tatouages. Excusez, monsieur Beribi, mais je n'aime pas les tatouages. Et je suis un simple soldat comme vous, sauf que je suis allemand. D'ailleurs, entre nous, cette guerre est le moment le plus inoubliable et le plus sublime de mon existence. C'est un malade, je vous dis. C'est un dingue. Résistant au gaz, peignant de la merde. Faut l'abattre. C'est bon, Dreyfus. Je sais que vous avez un problème personnel avec les Allemands, que je ne comprends pas vraiment d'ailleurs, mais là, ça n'est ni le lieu, ni l'heure. Écoutez, je peux peut-être rester avec vous, finalement. Je me sens bien ici. Il y a de bonnes ondes. J'ai un petit coup de fatigue, moi. Il faut que je réfléchisse. Dreyfus, occupez-vous du prisonnier. Oh non, pourquoi moi? Parce que vous nous l'avez ramené. C'est un ordre. Alors, vous êtes nettoyeur, vous entrez dans nos tranchées et ratacatacat, vous pulvérisez tout ce qui bouge. Ouais, ouais, ouais. Génial, brillant. Mais les gaz, ça vous sert à quoi au juste? Bon, vos questions, Hitler, ça me rend un peu nerveux. Alors, si vous pouviez vous taire, ce serait parfait. Je comprends, je comprends. Juste une petite dernière question. Et après, promis, je me tais, je me taire. Ah, caporal Hitler, j'ai une petite idée qui peut nous mettre tous d'accord. Alors voilà, caporal. Vous allez avancer vers vos amis avec ce petit drapeau, blanc comme la colombe, qui est signe de paix. La colombe vers l'aigle impérial, ça n'est pas gagné. Oui, baron, ça va. Donc, nous, on cesse le feu. Vous, vous allez dire... Mais je sais pas. Vous leur dites... Je suis désarmé, de toutes façons, je suis des vôtres. Bon, enfin, vous leur dites ce que vous voulez, à vous de voir, improviser. Parlez en allemand, ça sera préférable. Mais faites un discours qui galvanise son homme. Dites-moi, Dreyfus, avant de partir, une dernière petite question, après c'est fini. Vous êtes hébreu? Non, c'est pas le moment de parler confession des uns des autres, là. Allez, allez, allez-y. Merci pour tout, Adolphe. Adieu. Allez, adieu. Bravo, capitaine, bravo. Il a un certain style, quand même, hein? On pourrait prier. Il faudrait pas qu'en face, il le mitraille. Caporal Adolf Hitler, ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Fort, très fort. Vrai sens de la formule. Peintre médiocre, mais excellent orateur. Ouais, ben, je pense qu'on aurait dû l'abattre. Ne dramatisez pas toujours tout, Dreyfus. Non, sérieux. Ce type, je le sens encore moins que les autres. Journal. 6 juin 1915. Nous devons les tuer et ils me traitent d'assassin. Mais comment appelle-t-on ça quand les assassins accusent l'assassin? Ils mentent et nous devons nous montrer cléments envers eux. Je les hais. Ah oui, je les hais, ces nababs. Ça va, capitaine de bord? Mon capitaine. La relève ne viendra pas. Nous allons mourir ici. Le royaume des cieux est à vous. Mets ta gueule, mets ta gueule. On va monter à l'assaut et tu seras des nôtres. Mais je ne peux pas, je suis un homme d'église. Pas de guet. Cette fois-ci, tu seras derrière nous. Et comme les derniers seront les premiers, tu feras les présentations quand on arrivera là-haut. C'était Les Poilus de Sigolène Vinson et Yves Ramonet. 9e salle. Avec Olivier Clavery, Julien Alouf, Pierre-Jean Pagès, Pierre-Marie Schneider, Alain Fromager, Didier Brice. Et Henri Alexandre, Julien Aluguette, Bertrand Farge, Jochen Egele, Johannes Hahn, Werner Kolk, Léonard Pathé et Mathias Simon. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Équipe de réalisation, Éric Boisset, Jean du Cimetière, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zang.